Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Michel Blanc. Je suis heureux d'être ici pour deux raisons ce matin. Première raison, parce qu'évidemment, je vous parle de ma passion, je vous parle du web et j'aime ça parler du web. Deuxième raison, mais je suis touché que les gens de PodCamp m'invitent à venir vous parler et soient capables de passer au-dessus de ma condition de transsexuel en transition pour pouvoir apprécier mes compétences. Et j'espère que si un jour, vous aussi, vous avez à prendre la décision de reconnaître les compétences de quelqu'un au-delà de sa condition, que soyez capable, vous aussi, de reconnaître que les gens peuvent avoir quelque chose à dire, bien qu'ils soient un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude de voir. Et parlant de ça, bien justement, ça tombe bien, le sujet de ma conférence, on va parler de la transparence aujourd'hui. Alors, je vais vous parler principalement de transparence au niveau des entreprises, parce que c'est ce que je fais sur une base régulière. Je suis une blogueuse d'affaires qui parle de marketing Internet et de stratégie Internet. Mais aussi, je suis une ancienne podcasteuse. J'ai un blog un petit peu plus foqué qui s'appelle Côté Givré, où vous avez des podcasts audio de poèmes étranges que ça m'est arrivé d'écrire et de dire en podcast. Maintenant, depuis un certain temps, je ne fais plus de podcast, étant donné que ma voix est en mue et j'attends d'avoir terminé ma mue pour peut-être recommencer à faire des podcasts. J'ai un autre blog aussi, un peu plus ésotérique, qui s'appelle femme2.0.blogspot. Ça, c'est un blog qui parle plus strictement de ma condition de transsexuel. Maintenant, mon blog de tous les jours, mon blog professionnel, c'est michelblanc.com. Donc, avant de parler des avantages de la transparence, on pourrait peut-être parler d'exemples qui inciteraient les entreprises et peut-être même les individus à être transparents. Il y a quelques cas qui sont tous, vous pouvez retrouver un petit peu l'histoire. Évidemment, il y a American Online. Ça a commencé avec un client insatisfait qui avait enregistré la conversation qu'il avait eue avec les gens du service clientèle d'American Online. Cette personne-là a mis cette conversation-là en ligne. Et évidemment, bien, pas longtemps après, les médias traditionnels s'en sont servis. Et une couple de semaines plus tard, Nightly News aux États-Unis qui parlait de ça. Les résultats, c'est que les actions de AOL ont baissé dramatiquement puis les têtes ont tombé. Tout ça pour dire que ça peut être drôlement néfaste pour une entreprise quand que quelqu'un décide de dire qu'est-ce qu'il pense de cette entreprise-là, même si la personne est réelle. Vous avez l'autre cas de Vichy qui est un petit peu plus tortueux. Eux, ils ont fait un blog faisant croire que c'est des gens qui tripaient vraiment sur Vichy, puis que là, eux autres, c'était des fanatiques de Vichy. Et évidemment, le poteau rose a sorti que c'était Vichy eux-mêmes qui avaient fait ce blog-là, de soi-disant personnes qui tripaient au bout sur la compagnie. Ça n'aide pas l'image de marque d'entreprise. Un autre cas, bien, vous savez peut-être l'histoire de Kryptonite. Si vous ne le savez pas, vous vous en informez et vous changerez votre lot parce que Kryptonite ont des barreux. Ça n'a pas seulement été parlé au Québec, mais dans le reste de l'Amérique, là, ça a été parlé de façon assez intensive. Kryptonite, okay? Vous aviez l'espèce de barreux en U. Et le lot, c'est un lot rond. Alors, il y a quelqu'un qui s'est filmé et qui a montré comment tu fais pour ouvrir ça avec un stylo Bic. Slowbeck, t'enlèves la cartouche, t'enlèves le petit bout de bleu que d'habitude on mange plutôt que de le laisser après. Et simplement, tu rentres dans le lot, tu tournes et c'est débarré. Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment simple. Évidemment, ça a fait le tour du web, ça a parlé aux nouvelles. C'était un recall mondial. Ça n'a pas été collé au Québec parce qu'évidemment, nous autres, on parle français. Fait que ce qui se passe ailleurs, souvent, on ne l'écoute pas. Fait qu'il y a encore du monde qui se promène avec ces barrures-là ici. Pourtant, tu avais le droit à un échange complet d'une barrure avec une clé qui est supposément plus impénétrable. Finalement, il y a deux fois, une après l'autre, tu as des congrès scientifiques internationaux avec full de podcasts, full de caméras, et il n'y a pas une batterie qui pète en pleine face de quelqu'un qui est en train de faire une démo. Ça va pas bien. Fait que là, ça n'est pas arrivé une fois, ça arrivé deux fois. Par contre, eux ont eu l'intelligence de réagir positivement. Fait que tout de suite, ils ont fait un blog qui ont appelé One to One Belt, où ils ont discuté de la fabrication des produits, des problèmes qu'ils avaient avec les images, etc. Et maintenant, ça a changé. Ils ont appelé ça Direct to Belt, One to One. Fait que l'URL a changé, mais la réalité est toujours la même. Donc, oui, il y a des entreprises qui se sont faites prendre en flagrant délit de défaut de service ou de produit ou d'avoir essayé de fourrer le monde. Et évidemment, ça paraît pas mal. Il y a aussi d'autres cas célèbres comme Exxon ou comme Dow Chemical qui sont allés éditer ce qu'on disait d'eux dans Wikipédia. Évidemment, les gens ont dit non, Exxon, on sait que vous êtes des polluants, puis on sait que Dow Chemical, il y a du monde qui sont morts, puis c'est la réalité. Donc, les gens ont eu une réaction très, très négative, autant en face de Wikipédia qui avait permis à ces compagnies-là de changer leur entrée, qu'en face des compagnies qui avaient eux-mêmes essayé de maquiller la réalité. On est rendu à une époque où c'est bien difficile de bullshitter le monde. C'est très avantageux de dire la vérité, c'est très avantageux d'être transparent. Évidemment, il y a plusieurs sortes de transparence, je m'en parle un peu plus loin, mais moi je pense et je vis et je vais démontrer qu'il y a des grands avantages d'être vrai. Ça serait le fun que nos politiciens croient ce genre de philosophie-là. Mettons que c'est pas tout le monde qui est rendu encore à cette étape-là, mais peut-être qu'un jour, on va y aller. Ça, c'est vraiment cute quand ton petit bébé t'a fait ça. Tu dis, es-tu intelligent? Hein? Mais quand il fait ça devant ta matante de 70 ans, ah là, c'est pas moi, c'est l'autre qui l'a montré. Moi, je l'ai jamais vu. Il a jamais fait ça avant. Ça pour dire que un finger, quand ça vient des bébés, c'est cute. Mais quand ça vient d'un internaute, ça peut faire mal à une entreprise. Un finger célèbre, que moi, j'ai déjà fait, c'est Bureau en gros, un service de mail. C'est une des premières entrées dans Google sur Bureau en gros. C'est un des mots les plus utilisés pour arriver sur mon blog. Ça tombe bien, moi je parle aux gens d'affaires. Bureau en gros, j'ai acheté des meubles. J'ai eu un service absolument exécrable. J'ai écrit mon billet, j'ai documenté tout ce qui s'est arrivé. Bon, ils ne sont pas venus à la date qui viendrait, ils sont venus une semaine plus tard, il n'y avait pas même couleur, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Et le comble du malheur, le petit tiroir pour mettre mon clavier, que j'étais supposé d'avoir, là j'apprends qu'il fallait que je le paye en plus, un 300$. Ma coche, elle a sauté. Et si il y avait un espace sur bureau en gros, point cochonnerie, je serais allé et j'aurais écrit exactement quel était mon grief. Maintenant, il n'y a pas d'espace, eux autres, ils n'ont pas l'air de valoriser, ni au téléphone, ni en ligne, l'opinion du lecteur. Et une opinion qui est exprimée dans ton dos, fait pas mal plus mal qu'une opinion qui est exprimée dans ta face. Ça fait plus que deux ans de ça, et le bureau chef ne m'a pas encore rejoint. Donc, ça prouve en plus qu'ils ne font pas de monitoring de blog, ce qui est un petit peu étrange. Maintenant, s'ils avaient permis que quelqu'un chiale sur leur site, ce contenu-là aurait été probablement dilué dans l'ensemble des contenus d'entreprise. Et en plus de ça, ils se seraient rendus compte qu'il y avait un méchant problème au niveau du service clientèle. Ils auraient pu améliorer leur service clientèle. Maintenant, sans doute qu'ils préfèrent payer plusieurs dizaines de milliers de dollars pour faire des focus groups avec des gens qui ne sont peut-être jamais allés chez Bureau en gros, pour avoir des idées de qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur qualité de service clientèle, alors que s'ils permettaient aux gens de s'exprimer vraiment, ils seraient live quels sont les problèmes qu'ils ont. Maintenant, évidemment, ça c'est encore au niveau philosophique, c'est encore au niveau de la transparence des entreprises. Et une autre des raisons, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, qu'on appelle la génération Net, ils sont nés avec les gars. Eux autres, là, ces jeunes-là, là, je dis, moi, je vois une photo, puis je regarde la photo. Ah, elle est belle. Là, je regarde la photo tout de suite. Là. Bon, qu'est-ce qui a été photoshopé là-dedans? Là? C'est pas son vrai nez, c'est pas ses vraies jambes, c'est pas ses autres. Là. Ils ont des bullshit détecteurs d'intégrité. Alors, eux autres, là, tu ne les embosses pas une facilement. Et, évidemment, les jeunes sont nés avec la technologie. Moi, j'ai mon petit neveu, il arrive chez nous, je me suis acheté un Xbox. J'ai ouvert la Xbox, j'ai regardé le livre d'instruction. Bon, le fait comme une vieille personne fait, puis la question de ma télé. Mon petit neveu est chez nous. Hey, Michel, c'est ça qui est dans l'Xbox, c'est une mémoire vive, tu peux faire jouer des CD, tu peux faire jouer des DVD. Check avec moi, on va aller en arrière, là, de clé. Comment ça se promenait dans mon Xbox, puis ça va dans le disque dur. Wow, tu sais, 12 ans, raconter un autre. Mon associé dans une entreprise que j'ai partie qui s'appelle Lubin, il a un fils qui, à l'époque, avait 9 ans. Lui, il avait déjà 3 blogs. Et puis. À 9 ans, il y avait 3 blogs. Lui, à 9 ans, avait 3 blogs. À 9 ans, il avait 3 blogs. Le fils, c'est fini. Il avait 3 blogs. Puis, moi, j'ai écrit un billet. Le plus jeune blogueur d'affaires que je connais, a 9 ans. Là, son petit chum, il dit non, c'est moi, j'ai 8 ans. Là, moi, je m'en vais voir la blague du petit chum en question. Je suis tombé sur le cul tellement que c'était beau, c'était professionnel. Je dis non, c'est son père qui fait ça, c'est pas lui, mais ça ne peut pas. Et je l'ai invité à un party au bureau de son père. Et quand j'arrive au party du bureau de son père, là, je le vois sur Photoshop, qui est en train de coller la face de quelqu'un dans le cul d'un homme. Puis, je dis non, il est vraiment, le petit cul, c'est lui qui l'a fait, là, le site, tu sais, puis il avait 8 ans. Toujours est-il que ces deux-là sont dans une classe et que la professeure est in. Et que la professeure a fait un bloc de classe. Mais c'est une madame qui est très contrôlante. Et étant très contrôlante, bien là, les petits culs, ils ont dit non, regarde, l'autre. On va faire un contre-blog de classe. Alors, on fait un autre blog à côté où il bitch sur le blog officiel de la classe. Tu sais, puis là, c'est rien que les chums, le prof ne sait pas, mais tous les chums de la classe le savent, tu sais. Fait que ça, c'est un petit peu vers ça qu'on s'en va. Puis pour eux autres, vous savez, la technologie, c'est aussi sexy qu'un frigidaire peut l'être pour nous. On s'entend que nous autres, un frigidaire, pour la majorité des gens, c'est assez simple. Mais pour eux autres, la technologie, là, c'est la même affaire. Eux autres, là, vous êtes celui d'un, une nouvelle manette des mains. D'instinct, ils savent c'est quoi. C'est moi, ça me prend un guide d'instruction. Il faut comprendre que même les frigidaires, il y a des gens pour qui ça peut être compliqué. Moi, mon ex-femme future, parce que là, je suis en train de négocier ça. Bref, elle a déménagé, elle avait un nouveau frigidaire. Et puis son nouveau frigidaire, il y avait une dispenser à glace. Moi, là, elle m'appelle, elle dit, bon, cher, dis-nous, je ne dors plus. Une maudite machine à gaz, la soirée, elle fait du bruit. Là, la pauvre, elle n'a pas dormi une semaine de temps. Là, à un moment donné, elle fait ça, elle arrive, le mot de son fils, ça. Là, on a découvert qu'elle, à chaque jour, elle vidait la glace. Elle avait peur qu'elle déborde. Fait que bon, tu sais, il y a un petit sensor qui fait que la glace, elle arrête à un moment donné quand elle est pleine. Mais elle pensait que la glace déborderait. Donc, elle la vidait à chaque jour. C'est pour ça que le soir, ça faisait du bruit, tu sais, les gros glaçons. Tout ça pour dire que la technologie n'est pas appréhender de la même manière pour tout le monde et que nous autres, les vieilles personnes, on a certains désavantages. D'ailleurs, en termes de transparence, beaucoup d'entreprises qui disent non, moi, c'est moi qui contrôle le site, c'est moi, là, le réseau, là, qui gère ça. Fait que vous autres, les TQ, là, Facebook, vous perdez votre temps là-dessus, là, oubliez ça. Maintenant, les TQ, aux États-Unis, 39% des 18-24 vont considérer ne pas travailler chez vous si vous n'avez pas accès à Facebook. Et un autre 21% vont être vraiment dégoûtés. Ce qui est le plus aberrant avec ça, c'est que ça coûte peut-être 30, 40, 50 000 piastres à engager quelqu'un aujourd'hui. Puis là, aussi, que la personne est rentrée chez vous, tu dis non, moi, je ne te trace pas. Moi, tout te gérer tes accès, moi, décider où est-ce que toi, tu t'en vas sur le web. C'est comme un paradoxe à quelque part. Et on se rend compte que les gens qui vont réellement sur Facebook augmentent leur productivité. D'ailleurs, juste une petite anecdote de même. Il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé « Ouais, toi, Michel, t'acceptes-tu n'importe qui sur Facebook? » Je dis « Ouais, je dis toi, quand tu t'envoies un cocktail d'affaires, quelqu'un te donne sa carte d'affaires, tu dis-tu non, je ne veux pas? » Ou t'apprends, t'apprends. Puis le mot « ami » sur Facebook, c'est un mauvais mot. On devrait dire « connaissant », on devrait dire « réseau », on devrait dire « gens que tu connais peut-être, t'sais. Bon, c'est pas mauvais, là. C'est des gens que tu connais, puis ces gens-là, t'es pas obligé de… Tu sais, comme il y a… Tu sais, mettons que moi, je cherche un employé, mettons, tu sais. Là, rejoins là, tout le monde que j'ai dans mon Rolodex, là, j'en ai pour 3 jours, tu sais. Là, tu vas dans Facebook, tu dis, je cherche un employé, tu fais un message à tous, tu parles à tout le monde du shop, puis là, regarde, tu peux être assez surprise des réponses que tu vas savoir. Il y a certains avantages, notamment, vous allez peut-être surpris que le CIA, que CNN, que AT&T, que Coke, que même MySpace se servent de Facebook comme outil de réseautage entre les employés. Maintenant, évidemment, on est rendu qu'on se google, puis qu'on se check, puis qu'on se regarde, puis ça, c'est vrai autant pour les employés que pour les employeurs. Tu sais, si toi, là, tu as une photo de toi en train de dégueuler, à coucher à terre dans ton Facebook, c'est bien drôle pour tes chums, mais un employeur qui voudrait te donner une promotion, qui voudrait t'engager, qui veut ça, pas sûr qu'il va vouloir continuer avec son idée. C'est vrai aussi pour les compagnies. Quelqu'un qui cherche un bureau en groupe et qui veut un service de merde, peut-être ça va le motiver à améliorer leur service, puis aller travailler au service clientèle, mais peut-être qu'il va se dire, ouais, pas sûr, je veux travailler pour une compagnie qui n'est pas sur maître. Puis évidemment, bien, ceux qui ont des approches plus psychanalytiques, bien, ça peut être un outil très, très, très utile. Maintenant, je vais vous parler de toutes sortes d'éléments qui devraient commencer à vous faire penser pourquoi ça pourrait être intéressant d'être transparent. Maintenant, on va parler des gens qui ont été vraiment innovateurs. Cisco, qui est une compagnie qui fait des switches de réseau, des espèces de points où ils séparent les bits d'une place à l'autre. Là. C'est d'ailleurs le leader mondial. Eux autres ont été le premier à avoir le guts d'aller en ligne, dire « voici nos problèmes ». Fait que là, ils ont fait un forum. Puis, ils ont fait une liste de tous les bugs qu'eux connaissaient de leur switch. Là, ils ont dit aux gens, écoutez, voici tout ce qu'on a trouvé comme problème. Peut-être que vous autres, vous en avez d'autres. Si vous en avez d'autres, postez-les sur le forum. Et nous, dans 2 heures, on vous garantit qu'un ingénieur va vous appeler avec une solution possible. Ça a tellement bien marché que les clients se répondaient entre eux autres. Puis les ingénieurs, ils n'avaient pas le temps d'arriver avec une réponse, que déjà un utilisateur l'avait trouvé la réponse. Puis là, après ça, ils se sont servis de ça pour dire, bon, bien là, on pense faire une nouvelle switch. Puis notre nouvelle switch, elle a 20 slots. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, les clients disent, ouais, mais si t'en mettais 22, moi, je préfère telle affaire, ou si t'en mettais 18, ou ci, ou ça. Fait que là, le time to market là, de ta nouvelle patente, là, regarde, on s'entend-tu qu'il est réduit de façon assez hallucinante? On s'entend-tu que quand la switch arrive sur le marché, tu as déjà une gang de vendus à toi qui vont aller l'acheter, puis qui vont déjà te dire comment c'est avantageux de faire ça, à quel point qu'eux autres, entre 1995 et 2000, croissance de 600% et ils ont réduit très substantiellement le salaire des ingénieurs affectés au service clientèle. Donc oui, il y a des avantages monétaires, d'affaires, d'être transparent. Un autre outil. Illustration. On va parler d'une canne de tomates. Dans les années 80, il y avait une compagnie qui n'existe plus qui s'appelait Steinberg. Okay? Là, dans ce temps-là, il y avait un manufacturier de cannes de tomates, il arrivait chez Steinberg. Moi, là, c'est ici que je vais mettre mes cannes de tomates à la hauteur de vue des clients. Puis là, quand, moi, je vais en prendre 8 pieds linéaires, puis là, il faut que ça fesse. Steinberg disait OK. Dans les années 90, il y a une autre compagnie qui s'appelait Provigo. Donc, ils ont dit non, nous, on va faire une marque qui s'appelle la marque du président. À partir d'aujourd'hui, là, c'est la marque du président à la hauteur des yeux des clients. Puis le manufacturier, là, s'il veut qu'on la voie sa canne, bien, il me paiera. C'est mon magasin, moi, c'est mon pied linéaire à moi, là. Bien, moi, là, on m'a dit que c'est, je sais pas, là, mettons, 1,50 $ du pied linéaire à telle hauteur. Fait qu'à partir de maintenant, là, tes cannes, là, ils sont à terre. Là, si tu veux qu'ils montent, là, tu vas me donner du cash. Parce que moi, ça va être ma marque all the way, puis toi, ta marque, là, elle va être en dessous, là, quelque part, là. T'sais. Puis là, aujourd'hui, bien, moi, je m'envoie sur Internet, je cherche la canne de tomate qui a été cultivée bio, écologique, que les oiseaux sont de bonne humeur autour, que la canne elle a des vertus thérapeutiques hallucinantes. Et là, je vais aller sur Internet trouver c'est qui vend cette canne de tomate-là à quelque part près de chez nous ou je vais la faire venir directement chez moi. Donc, on voit que le pouvoir est passé du manufacturier au détaillant aux consommateurs. Il y a eu une évolution. Puis cette évolution-là, là, elle est vraiment rendue aux consommateurs. C'est vraiment le consommateur qui décide aujourd'hui. Un autre argument pour être transparent. Maintenant, encore une autre petite image. Si vous voulez vous acheter une voiture, est-ce que c'est l'article du journaliste automobile? Est-ce que c'est l'opinion de votre garagiste? L'opinion du concessionnaire? La publicité que vous allez voir ou l'opinion de votre beau-frère qui risque d'avoir le plus d'impact sur votre décision d'achat. Très probablement que c'est l'opinion du beau-frère et la blogosphère, c'est un réseau mondial de beaux-frères. Donc, tu t'en vas sur Internet, tu vas chercher les opinions des gens et tu te fais ton idée d'achat parce que les gens disent. Donc, de plus en plus, l'opinion, d'ailleurs, je ne sais pas, il y en a encore combien de vous qui lisent les journaux. Mais curieusement, dans les journaux, là, ce qui fait vendre les journaux, d'après moi, c'est les éditorialistes et les chroniqueurs. Ça enlève les éditorialistes et les chroniqueurs, là, il n'y a plus de journaux qui se vendent. C'est la même maudite information que tu vois partout ailleurs. Puis quand tu le reçois ton journal, là, l'information est déjà périmée. Parce que tu l'as déjà lu, tu l'as déjà entendu la veille à CNN, ou tu l'as entendu le matin en te levant. Puis là, regarde, c'est une information qui est vieille au moins de 12 heures. Fait que là, ce qui va faire la plus-value, c'est le chroniqueur ou l'éditorialiste qui va venir te donner son idée sur la patente. Mais les blogs, c'est ça. Il y a aussi la fameuse question du Web 2. Le Web 2, ça, c'est un terme qui a été sorti dans les années 2005 par un monsieur O'Reilly, qui est un gourou là, de la techno et des modèles d'affaires. Lui et des chums, ils sont assis puis ils ont dit « C'est quoi qui fait que le Web est différent d'aujourd'hui du Web de l'an 2000? » Ils sont arrivés avec 7 constats, qui sont des constats et technologiques et des modèles d'affaires pour dire « C'était quoi le Web des winners d'aujourd'hui? » Maintenant, un des résultats de cette réflexion-là, c'est ce qu'on appelle le user-generated content, c'est ce qu'on appelle le média citoyen, c'est ce qu'on appelle le web que les gens se servent eux-mêmes et qu'eux font le web. Et ça, les gens, ben, ils disent ce qu'ils pensent. Encore là, c'est toute une question d'authenticité. Maintenant, il y a toutes sortes de transparence. Il y a la transparence que tout le monde connaît, que moi je dis les vraies affaires. Mais aussi un concept qu'on appelle la transparence radicale, qui est un concept de gestion, où tous les procès-verbaux, tout ce qui va être décidé, tout ce qui va être qui va avoir rapport à la gestion, va être en ligne et va être clair, et tout le monde va le savoir, et tout le monde peut en discuter, tout le monde peut réagir. C'est un nouveau concept de gestion qui commence à faire sa place. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la transparence synthétique. C'est-à-dire, là, moi, j'ai écrit un article... le titre, c'est quelque chose comme « Les chefs de parti sont poches sur Twitter ». Toutes les parties, Twitter, c'est un outil de micro-blogging, OK? Et puis, tous les chefs de parti sont sur Twitter. Puis moi, j'ai posé une question à chacun, il n'y a rien qui a répondu, c'est Gilles Duceppe, OK? Mais je sais très bien que ce n'est pas Gilles Duceppe qui a répondu. C'est un ghostwriter. Bon, il y en a un ghostwriter, c'est quelqu'un qui écrit à la place de quelqu'un d'autre, OK? Ça peut être vrai pour un blog, ça peut être vrai pour Twitter, mais je veux dire, c'est déjà vrai pour les discours, là. Tu sais, je veux dire, si on prend le cas de Gilles Duceppe, là, quand il parle en avant, là, c'est pas lui qui écrit ses discours. Je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui a écrit ses discours avant. Bon, maintenant, cette personne-là, il faut qu'elle soit à s'allumer, il faut qu'elle soit connectée à la personne, mais elle peut arriver à faire des discours qui sont vraiment, vraiment éloquents. D'ailleurs, une petite anecdote, il y a une fille qui est assise dans la salle, qui est une de mes chums, m'a conté qu'elle, elle écrivait les discours du maire. Puis, à un moment donné, tout le monde trouvait qu'il y avait des bons discours. À un moment donné, elle change de job, et puis là, puis mettre quelqu'un vraiment en poche à la place pour écrire le discours. Puis, pendant un certain temps, le monde pensait que le maire était en dépression, parce que là, tu sais, ses discours étaient rendus vraiment pas bons, tu sais. Bon, c'est pas qu'il était en dépression, c'est qu'il y avait quelqu'un de poche qui écrivait ses discours. Lui, il était tout le temps surpéré de voir la connerie qu'il avait en face de lui, mais là, il lisait, tu sais, ses conneries, tu sais. Tout ça pour dire que, même si vous avez un ghostwriter, il y a moyen d'être transparent. Puis le danger d'avoir un ghostwriter, mettons, pour les blogs, c'est que faudrait quand même que ce soit, on va dire, mettons, Gilles Duceppe, qui fasse le enter pour mettre le document en ligne. Parce qu'aussitôt qu'il est en ligne, là, tu sors dehors, il y a un journaliste. « Ouais, j'ai vu ça dans votre blog, tatata. Ah oui, j'ai dit ça, moi. » Ça vient de mal paraître. On s'entend? Donc, moi, je pense que ça serait assez pratique, même si quelqu'un d'autre écrit à ta place, qu'il y ait une synergie entre les deux et que ce soit quand même la personne là, du nom de qui apparaît le texte, qui signe, qui fasse enter, qui soit conscient de ce qui a été dit et aussi qui donne des indications sur comment on va gérer les commentaires. Parce que les médias sociaux, c'est des médias bidirectionnels où il doit y avoir une communication. Et parlant de communication, il y a quelqu'un qui a levé sa main parce que je pense qu'il y a un commentaire à faire ou une question. Allez-y. Au contraire, il y a énormément d'opinions sur Twitter. Et Twitter... Le Twitter de Gilles Duceppe. Comment? Le Twitter de Gilles Duceppe. Oui. C'est plus d'informations et pas vraiment... Non, mais il répond aux questions quand tu lui poses des questions. Il y a un dialogue bidirectionnel. Et Twitter, là, c'est pas mainstream encore. C'est très, très, très niché. Et les gens qui sont là, il y a Steve Rubel de Micro-Persuasion, qui est un de mes gourous virtuels. Lui, il a déjà dit que Twitter... après les médias traditionnels, le deuxième groupe le plus influent sur le web, c'est les Uber geeks, les Uber blogueurs, c'est-à-dire les méga geeks. Et puis, ils sont tous sur Twitter. Et ces gens-là se servent de Twitter comme source d'inspiration pour écrire leurs billets qui pourront être repris par la suite par les médias traditionnels. Donc, c'est pas mauvais dans un esprit de relations publiques ou de marketing d'être sur Twitter, de suivre qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qu'on dit à propos de l'entreprise ou de l'individu. Et pour un individu, bien, c'est sûr que si tu es là, tu vas savoir avant tout le monde qu'est-ce qui se passe. Mais ça dépend qui tu follows. Si tu follows trois oufs, tu ne sauras pas grand-chose. Idéalement, tu essaies de follower les top mondiaux là, dans différents domaines qui t'intéressent. Puis là, ben, tu vas avoir des insides qui vont apparaître là avant que ça apparaisse dans leur blog ou que ça apparaisse ailleurs. Oui. Une autre manière. C'est ça. Maintenant, moi, je suis considéré comme une personne qui est assez transparente. Je vais vous donner quelques exemples tantôt. Mais je peux déjà vous parler de certains des avantages d'être transparent. C'est sûr que quand tu dis de quoi de vrai, les gens, là, les gens, moi, je pense qu'il y a du monde qui dit qu'en général, les gens sont stupides, que la moyenne de la masse, c'est 12 ans. Mais moi, je veux dire que je pense que les gens sont un peu plus intelligents. En tout cas, moi, les gens à qui je parle, les gens qui me lisent, c'est pas des cons. T'sais? Puis je les traite pas comme des cons. Puis j'essaye d'être assez honnête, vrai, et je leur dis ce que je pense. Et en faisant ça, moi, j'ai remarqué que ce que je dis, ça se multiplie. Mon blog existe depuis 3 ans, puis j'ai 47 000 hyperliens dans Yahoo. Fait que faut croire que je fais quelque chose de pas pire. T'sais? Et... les gens aussi, bon, tu sais, moi, dans mon blog, c'est un blog professionnel, puis je peigne de parler de marketing Internet et de stratégie web. Tu sais, comme mon billet le plus lu l'année passée, avant mon billet de coming out de cette année, c'était mes meilleurs restaurants de Montréal. Aucun rapport avec le sujet. Mais tu sais, si je vous dis 39% des Québécois ont acheté en ligne au Québec cette année et la balance a été achetée à l'Or du Canada, je peux pas m'aimer destiner là-dessus. C'est une stat. Si je te dis mes restaurants favoris de Montréal, bien là, tu peux dire « Ah, mais non, moi, c'est un tel » ou « Ah, je suis d'accord, je ne connaissais pas ce restaurant-là, il est là, tatata. » Donc, il y a déjà quelque chose qui se fait. Maintenant, le web aussi a ce défaut-là que si tu dis des conneries, là, c'est assez vite que tu vas savoir que tu as dit des conneries. Tu sais, dans les commentaires, le monde va te plomber, ils vont te rentrer dedans, puis bon. Tout le monde ici a sans doute entendu parler du vidéo sur la culture qui a été faite par Michel Rivard, par Benoît Brière et par Stéphane Rousseau. Évidemment, quand ça a sorti vendredi matin, l'effervescence dans Twitter était assez grande. Puis moi, j'ai fait un billet disant que c'était du dadaïsme 2.0, que j'étais contre ça, que ça me faisait chier. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui a payé ça. Puis comme on ne sait pas qui a payé ça, on est en période électorale et par principe démocratique, à un moment donné, là, quand tu fais une opinion politique contre un parti, puis tu sais, je dis ça, là, puis je ne suis pas conservatrice, mais pas en tout. T'sais? Sauf que, moi, je me souviens qu'au référendum, on avait été scandalisé que les Anglais déversent des centaines de milliers de dollars non comptabilisés, puis qu'ils viennent ici nous faire croire qu'ils nous aiment au bout avec les drapeaux, etc., etc. Si ça nous scandalise que des grosses compagnies mettent du cash en dehors des frontières de la loi électorale, bien, ça devrait aussi nous scandaliser que des artistes millionnaires fassent la même chose. T'sais, on s'entend que cette vidéo-là, c'est une vidéo de grande qualité, rien qu'un éclairage, là, il va y avoir à peu près pour 5 000 pièces de location. Là, on n'a pas parlé des caméras, on n'a pas parlé du traitement, on n'a pas parlé de la post-synchronisation, on n'a pas parlé du montage, etc., etc. Oui, c'est vrai que les gens ont droit à leur opinion. Et oui, je suis d'accord pour que le média citoyen s'exerce. Mais là, on ne parle plus d'un média citoyen, là. On parle d'un média là, avec des très, très, très gros moyens. Là, c'est plus la dépense citoyenne. C'est pas quelqu'un qui a pogné son petit iPhone et qui a filmé quoi et l'a mis sur YouTube. Là. On ne parle plus de la même affaire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Tout ça pour dire que moi, j'ai dit ce que je pensais. Et évidemment, la réaction a été assez directe dans mes commentaires. Puis il y en a un qui s'appelle Rob Lochon, que moi, j'ai traité de gros fromage qui pue, qui est assez direct. Il est assez direct dans son désaccord avec mon point de vue. Mais ça aussi, la transparence, c'est un des effets possibles de la transparence. Puis, évidemment, mais quand tu es transparent, moi, je pense qu'il y a quelque part que ça t'humanise. Maintenant, il n'y a pas longtemps, il y a un blogueur que moi j'aime beaucoup, que c'est un ami aussi, il s'appelle Marie Wasselin. Il a parlé de la mort de son père dans son blog. Et quand il a parlé de la mort de son père, ça a touché beaucoup de gens. Puis dans les commentaires, là, tu vois que les gens là, sont vraiment, vraiment touchés. Il y a des gens qui ont appéri de ce qui a été révélé dans le billet sur la mort de son père et qui eux-mêmes, ça les a permis eux-mêmes à faire un certain deuil qui était encore un chemin de leur parent qui est mort. Et puis, à la fin de tous les commentaires, bien évidemment, Mario, lui, dit à quel point ça lui a fait du bien de partager la douleur qu'il avait de perdre son père et comment ça lui a fait encore plus de bien de voir les commentaires des gens. C'est pour ça que je dis que, aussi, un des avantages de la transparence, c'est de faire de la catharsis qui est de se guérir soi-même et de permettre aux autres de se guérir par la prise de connaissance d'un contenu. Avant ça, on disait un contenu théâtral, par exemple, mais là, ça peut être un contenu textuel. Donc, tout ça pour dire que moi, je vois plusieurs avantages à être transparent. Et je vais vous donner quelques exemples. Loïc Lameur. Loïc Lameur, à l'époque, c'était le premier blogueur francophone mondial. Puis il y avait le deuxième, troisième, qui s'appelait Laurent Gauguin, alias Embrun. Okay? Moi, j'organisais un événement qui s'appelle Yulbiz, qui est un groupe de gens d'affaires qui s'intéressent aux blogs et de blogueurs qui s'intéressent aux affaires. Et je sais que les deux vont être là dans le temps qu'ils vont voir le Yulbiz. Alors, j'envoie une invitation aux deux. Embrun, le numéro 2-3, il me répond en une heure. Loïc Lameur, je l'ai Facebooké, je l'ai LinkedIn, je l'ai envoyé par Messenger, puis j'ai essayé par Skype. Aucune nouvelle. Donc, au bout d'une semaine, j'ai écrit Lameur versus Logan ou Délicatesse 101. Puis là, je dis à quel point que, tu sais, le gars, il écrit son livre... De blocs d'affaires, puis il disait à quel point c'est important de répondre à ses courriels, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis il donne l'exemple que lui, il est allé en Allemagne, puis que là, là c'est hallucinant. Mais, je crois, nous autres, les Canadiens, on n'est pas dignes de ton intérêt, on n'est pas en Allemagne, là, c'est quoi l'histoire, là, tout ça. J'écris tout ça dans mon blog. Puis pour mal faire, une semaine après, je suis choisi coup de cœur de la revue Stratégie.fr, qui est une prestigieuse revue de marketing française. Puis ils disent « Ah, Michel Blanc, l'influenceur canadienne, allez voir son blog, puis regardez la bisbille qu'elle a avec Loïc Lameur. » Fait que là, tu sais, Loïc Lameur, ça va pas bien. Il avait peut-être pas vu mon courriel, mais là, tu sais, c'est le chum qui appelle tout. « Hey, c'est quoi ton problème avec la blanc? C'est quoi qui se passe? » Fait que là, évidemment, lui, il fait tout de suite un billet disant que il se confondait en excuses, puis il y a eu tellement de courriels que ça avait passé dans le beurre, mais qu'il serait bien, bien, bien content de venir rencontrer les blogueurs de Montréal. Fait que finalement, ben, il est venu ici, on l'a reçu, puis on est allé chercher un limo payé par Tourisme Montréal, puis on l'a saoulé, puis là, ben, les Canadiens, les autres, on est des kings, écoute, là, on sait le savoir, puis tu sais, ce gars-là, il fait deux pays par semaine, mais là, personne n'avait jamais été chercher un limo et faire un tour avec un guide professionnel, puis le saouler après, t'sais. Fait que là, il a fait des billets dithyrambiques. Comment est-ce que nous autres, on était des gens, on avait de la classe, qu'on savait recevoir, puis on lui avait donné en plus de ça une canne de sirop d'érable, puis ce nounou-là, au lieu de le mettre dans son dans sa vallée, il arrive à l'aéroport avec sa canne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'est dit, des coups, c'est une bombe, tu sais. Ça serait une bombe collante en plus. Imagine, une canne de sirop d'érable qui explose, ça va pas bien. Fait que tout ça pour dire que moi j'ai été vrai, j'ai dit regarde, tu sais, des fois tu peux être transparent entre guillemets, là, t'es pas content, mais si c'est bien argumenté, je veux dire, la personne là, au bord, c'est pas une folle non plus, là, okay, c'est vrai. J'aurais dû répondre, c'est vrai que bon, fait que ça peut être espéré. Pour arriver à mon coming-out, il y a certains gens dans la salle qui le savent. Bon, je l'ai dit en début de conférence, je suis en transition pour devenir une femme, je suis une transsexuelle. J'ai expliqué ça sur mon blog. Avant d'expliquer ça sur mon blog, je me suis monté un comité de relations publiques avec des gens spécialisés en relations publiques, et particulièrement en gestion de crise et d'image. Et ce que disait la littérature, c'est que tu fermes ta crise d'ailleurs. Tu ne dis rien, tu n'en parles pas jusqu'au moment où tu auras ta chirurgie de féminisation faciale. Après ça, mes consultants en relations publiques, ils disent t'en parles une fois à un média sérieux, genre Radio-Canada et la presse, et t'en parles plus pendant tout après ça, puis on tue la patronne. Maintenant, j'ai un autre de mes chums qui s'appelle Martin Ouellette de Provocat. Lui dit, ouais, j'ai mon comité, ça, c'est ça qu'ils m'ont dit. Voyons donc, Michel. Il dit, premièrement, tu me dis que tu l'as dit à tous tes clients et que ça a bien été. Deuxièmement, tu me dis que la condition que tu vis, il y a des gens qui meurent de ça. Puis, troisièmement, c'est une situation qui a besoin d'être vulgarisée. Puis, c'est quelqu'un qui peut en vulgariser, c'est bien toi. Puis, tu tout est don. Puis, avec le don vient la responsabilité. Tu as le don de la communication, de la vulgarisation. Et je pense que tu as l'obligation d'en parler. Puis, au plus vite, le mieux. En plus de ça, dis-toi, tu parles de transparence, tu parles de communication. Tu vas faire quoi dans deux ans, mais que le monde te voit et puis te dise, ouais, mais toi, tu nous as menti pendant un an de temps. C'est pas d'allure. Puis là, moi, il m'a donné comme un bon électrochoc. Là, je suis retourné chez nous, je dis, ouais, je dis, Caroline, mais en fond, il y a raison. En plus de ça, moi, je suis pas bullshiteuse. Tu sais. Vous allez les 5 pouces, là, quelqu'un, mes chums, me voit, hey, Michel, ce qui se passe, t'as des têtes. Ah, je bois beaucoup de lait, c'est en ça. C'est quand même, il y a des affaires qui ne marchaient pas. Là. Il me disait, tu peux pas. Je pourrais pas inventer des menteries. Là, fait que j'ai pris mon courage de deux mains, j'ai écrit mon billet de camionnette, je l'ai fait relire par des chambres qui m'ont fait quelques corrections, je l'ai foutu en ligne. Et la réponse a été extrêmement surprenante. J'ai été flabbergasté. J'ai eu des éloges comme vous ne pouvez pas imaginer. Il y a même une dame très, très, très puissante dans le web à Paris qui m'a écrit « L'humanité devrait vous remercier d'exister. » Moi, je dis ça. Wouh! T'sais, moi, je pensais que je perdrais mes clients, je perdrais tout, là. Puis regarde, j'ai gardé tous mes clients. Là, j'ai des nouveaux clients. Là, il y a du monde qui m'écrivent, qui me disent « Madame Blanc, vous êtes notre gourou, ça fait des mois qu'on vous lit, ta, ta, ta, ta, ta, ta. » Et maintenant, on est tellement impressionnés qu'on va travailler avec vous. Moi, j'étais au même moment que je suis mon commis, j'ai un appel de Yahoo. Yahoo me dit Monsieur Leblanc, on vous a choisi pour être la prochaine personnalité, la première personnalité canadienne française du Big Idea Chair, qui est un grand, grand honneur, qui est une pub nationale dans le Marketing Mag. Où est-ce que les clichés ils disent pourquoi que toi, tu es le king des kings, t'sais? Fait que là, oui, merci. Mais je dois vous mettre au courant d'une situation. Là, moi, je dis. Ça va être un major reject, là, c'est tout. Fait que, je dois vous dire que, ben là, je suis en transition, je vais devenir une femme, tout ça. Ah, ouais. Dans ce cas-là, au lieu de faire une page de pub, on va en faire deux. Oups. Fait que là, ces pubs-là, je les ai approuvées il y a deux jours. Je vais vous les montrer. On va les voir. Ça vous tente. Mais là, vous savez pas, vous les avez pas vus. Vous n'êtes pas au courant. Le champ de transparence. Ouais, des fois, il y a des paradoxes dans la transparence. Hein? Alors là, comme c'est en basse résolution, parce que évidemment, c'est poche un petit peu l'écran, là. Bon, mais ça va être la première page. Okay. Feeling in the blank. Le texte, quand j'ai lu ça, là, écoute, j'étais très, très, très, très ému. Alors, on voit une photo de moi à l'époque où on pouvait dire encore que j'étais un homme. Et la deuxième page, change is good. Et ça, là, quand que je vais être vraiment sa adepte, là, puis que ça ira pas bien, là, je vais aller me voir une photo, je me trouve belle. Puis là, ben, il y a toutes les autres photos qui ont pris de moi puis qui ne servent pas la pub, qui vont m'envoyer une fois que la pub va apparaître. Ça va apparaître le 13 octobre dans Marketing Mag. Et en plus de ça, ben, ils ont dit, comme je viens du Québec, ben, on va faire la même chose aussi dans InfoPresse. Alors, ça va apparaître dans InfoPresse en avant. Puis tout ça, ben, tu sais, je veux dire, bon. Puis là, il y a un groupe à Paris qui s'appelle Girl Power 3.0. Ça, là, c'est toutes les rainmakers féminins du web parisien. Là, cette semaine, ils m'ont envoyé un courriel disant « Michel, ça nous ferait tellement plaisir, on serait honoré si tu voulais être notre membre honoraire. » OK. J'ai dit oui. Là, il y a Chel Israël, l'auteur de Naked Conversation, qui a fait un papier sur moi en Californie, lichant d'une manière exceptionnelle. Puis là, mais la semaine dernière, j'étais à pleine page, en page 2, dans les affaires, disant comment est-ce que, bon, une entrepreneur transsexuelle qui réussit, etc., etc. Moi, je n'avais jamais imaginé que ça irait aussi loin que c'est allé. Là, le journaliste des affaires dit, « Ouais, mais les gens d'affaires, il y en a-tu là-dedans? » Il dit que, tu sais, qu'ils ont culé, ou tu sais, qu'ils ont dit, « Ah, mais l'autre, on ne travaille pas. » J'écoute. J'ai dit, « Il y a sûrement du monde qui pense que je suis un méchant freak, mais ils ne m'appellent pas pour me le dire. » Puis là, oui, s'ils m'appelaient pour me le dire, je les enverrais chier. Mais c'est pas arrivé, tu sais. Fait que moi, ce que moi je vois, c'est sûr que c'est très, très, très positif. On s'entend que, bon, il y a du monde qui me vomisse dessus. J'ai eu à apprendre à gérer avec le mépris. Mais ça ne s'est pas fait dans un contexte web. Ça ne s'est pas fait dans un contexte professionnel. Ça s'est fait quand je vais faire mon épicerie, puis que là, vous savez, il y a une minorité qui ne piffe pas. T'sais, les gays, les noirs, les espagnols, les portugais, surtout les portugais, là, les femmes portugaises, dans ma chirurgie faciale, quand ils me voyaient, c'est comme s'ils voyaient le diable. T'sais. Je voyais les yeux, tu sais, j'avais jamais vu que ça, tu sais, des yeux qui te tuent, là, tu sais. Je me tassais le même, tu sais. Oui? Mais, moi, Michel, je te rends compte de ça, je me dis, tu sais, l'ancienne façon de communiquer, finalement, c'était comme on disait rien, on disait ça mort. Puis là, ce que ton cas apporte, c'est quelque chose que moi, je pense aussi, c'est quand on va être transparent, c'est comme un peu dans le français, c'est toi qui communique en premier. Fait qu'au moins, le message, c'est toi qui l'as envoyé. C'est pas l'autre qui, dans ton dos, a commencé à pédaler et à inventer des affaires sur ton corps. C'est un très, très bon point. Puis d'ailleurs, ça, c'est justement. Tu sais, aussi, il faut se rendre compte que, tantôt, je parlais des jeunes, il y a une frontière entre la vie privée et la vie publique qui est plus perméable chez les jeunes qu'elle est chez les vieux. Okay? Ça veut dire, un jeune dans 20 ans, c'est des fois normal d'avoir 2000 photos de toi sur Facebook. Tu sais, ça, là, regarde, ça va de soi. Les autres, ils sont importés, là. Puis ils sont tout le temps en train de poser. Là, les jeunes, ça, le cellulaire. Hein, les autres, c'est normal. J'aurais un vieux, là. Hey, tu sais, moi, d'ailleurs, j'ai dit tantôt, là, tu sais, moi, je ne voulais pas qu'on me filme ici. Là, si tu me filmes, si tu veux, autoriser la vidéo avant qu'elle là, ça soit en ligne. Puis, bon, c'est sûr qu'on n'est pas en même philosophie. Et de deux, les jeunes se sont rendus compte que si toi, tu te mets pas en scène, quelqu'un d'autre va te mettre en scène. OK? Fait que t'es aussi bien, au moins, toi, tant qu'elle est en ligne, tu vas être en ligne comme ça te parle. Maintenant, la transparence, là, je veux dire, il faut aussi comprendre qu'il y a des limites à ça. Tu sais, il ne faut pas que ça soit de la diffamation. Il ne faut pas que ça pèle sur la vie privée des autres. Il ne faut pas que ci, il ne faut pas que ça. Tu sais, moi, je suis très, très transparent. Il y a bien des femmes qui ne savaient pas. Tu sais, le monde, ils me lisent, ils ont carré, ils disent tout. Mais non, on ne dit pas tout. Tu sais, entre autres, moi, j'ai l'amour de ma vie que je surnomme affectueusement Bibitte. Alors, je parle d'elle dans Facebook, mais tu sais, je nomme pas son nom. Parce que cette personne-là, elle a une vie très privée. Elle n'aime pas ça, le web. En plus de ça, elle a une profession que c'est mieux que sa vie privée ne soit pas étalée sur le web. Je respecte ça. Je respecte ça en contournant ça, en l'appelant Bibitte. Ce qui est aussi le mot d'amour que je dis. Puis, quand je parle de moi de ce que ça me tente de parler. Parce qu'il y a bien des affaires que je ne dis pas. Là, il y a une limite que moi, je me mets. Que ça me, voici le dévoilement que je peux faire. Voici le dévoilement que je ne fais pas. Maintenant, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Facebook, là, tu sais, comme les gens d'affaires. Ouais, mais Facebook, c'est une niaisage. » J'écoute. C'est sûr que Facebook, quand tu écris de quoi, tu écris de quoi que tu t'attends à ce que peut-être 1 million de personnes vont être capables de lire. Maintenant que tu dis ce que t'aimes à la pêche, là, on s'est entendu que c'est pas dramatique, là, puis que, je veux dire, que s'il y a 1 million de personnes qui sachent que toi, t'aimes ça pêcher à truite, là, c'est pas bien, bien grave, là, t'sais. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que quand tu vas avoir un dîner d'affaires, bon, au lieu rien que de parler de cash, là, tu vas pouvoir parler de suite. Tu sais, là, quelqu'un, ah oui, il me suis pogné une grosse, puis ah, moi, je te l'ai à telle place, puis moi, j'essaye avec de la gomme à saveur de saumon, puis là, tu mets ça. T'envoies ça la truite, ça pogne après ça, puis tu sais, bon. Là, ça fait des discussions d'affaires qui sont plus intéressantes et qui sont plus humanisées, tu sais. Parce que la personne a osé dévoiler qu'elle aimait aller à la pêche. D'ailleurs, tu sais, moi, mettons, j'ai un client, il dit, bon, moi, j'aime Dostoïevski. Fait que moi, je le revois, il va dire, pis! Dostoïevski, il a sorti un livre dernièrement. Il a dit quelque chose, là. Y a-t-il des nouvelles du côté de Dostoïevski, tu sais? Ce qui m'amène, avec l'authenticité, à la question de la passion. Ça, c'est un document qui vient de Chris Wogan, qui est vraiment, vraiment pertinent. Moi, je pense que la passion, c'est à se communiquer. Je pense que les gens sont attirés par ça. Maintenant, la passion, c'est pas facile. La passion, en termes personnels, évidemment, ça attire les gens vers soi. Maintenant, la passion, là, tu sais, comme quand j'ai dit tantôt, là, que moi, là, je n'étais pas d'accord. Ben, je disais, le petit vidéo, là, il est correct, il est drôle, j'ai ri. J'ai eu un rire coupable parce qu'évidemment, on riait des Anglais, tout ça. Puis, j'ai ri au bout, mais là, on ne faut pas, mais, je veux dire, c'est pas populaire ce que j'ai dit. Je m'en fous. Moi, c'est ça que je pense. Tu sais? Fait que là, tu sais, je veux dire, si t'es passionné, gars, ce que tu le penses, tu n'es pas obligé de penser comme tout le monde, là, tu sais. Après ça, la passion, là, tu peux pas vraiment faker ça. C'est sûr que, tu sais, Tu sais, quand je parlais des ghostfighters tantôt, là, tu peux avoir un bon ghostfighter. Mais, bon, il va être capable d'être passionné comme la personne, tu sais, c'est plus compliqué. Tu sais, moi, je vais vous dire, je suis allé à la Web 2 à Paris il y a 2 ans, puis j'avais entendu Nicolas Sarkozy faire son speech. Puis moi, j'avais été blowé. C'est la personne la plus éloquente, la plus passionnée, la plus convaincante que moi, j'ai jamais entendue dans ma vie. Tu sais, j'étais vraiment impressionné. Pourtant, j'ai comme vraiment l'impression que c'est pas lui qui a écrit son discours. Là. Tu sais, mais il a réussi à transmettre une passion de quelqu'un d'autre qui avait écrit le discours. Ça, faire ça en ligne, je pense que c'était un peu compliqué. Mais je pense que c'est quand même possible. Tu sais. Évidemment, la passion, des fois, tu te trompes. Des fois, tu te fous. Puis ça fait partie aussi de l'authenticité, d'être capable de dire « Oui, tu as raison, j'étais dans le champ. » Tu sais? Bon, on s'entend que moi, je n'ai pas été dans le champ souvent. Là. Mais, si ça m'arrivait, je pourrais la reconnaître. Je pourrais dire « Oui, je n'étais pas dedans. Hein, » Bon. Hein? La passion aussi, ben, ça peut être aussi, évidemment, comme... Tu sais, il y a du monde qui me disait « Michel, t'es donc bien zouf. Tu mets tous tes trucs en ligne, tu es en train de former la compétition. » Tu sais, moi, je disais... Si tu écoutes une émission sur la rénovation domiciliaire, le gars, il montre à mettre du stucco sur un mur. Tu sais, toi, là, tu vas-tu construire ta maison parce que tu as écouté une couple d'émissions sur la rénovation domiciliaire? J'en doute. Puis là, si tu essaies de mettre du stucco sur ton mur, parce que tu sais, t'es vu dans l'émission d'une demi-heure, là, ça allait vite, ça allait bien. Je dis que je suis capable, moi, là, on va en mettre du stucco. Va t'acheter du stucco, puis tu commences, puis là, on rendu à la moitié du mur, là, au cabal. Ouais, là, le stucco, non, pas si facile que ça. Qui tu vas appeler? Le compétiteur qui a écouté l'émission ou celui qui l'a fait? Probablement que ça va être celui qui l'a fait que tu vas appeler. Fait que de donner des trucs, d'être généreuse, ça te revient. Puis moi, j'en donne des affaires, là. À un moment donné, je suis rendu baveux, ben j'ai toujours été baveuse, là. Mais, tu sais, comme il y a des gens qui m'appellent, « Madame Blanc, on pense qu'on aimerait ça travailler avec vous. » Je dis, « Ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Quand vous le saurez, rappelez-moi. » Fait que ça, tu sais, il y a des gens, « Ouais, mais là, tu sais, pourquoi je devrais travailler avec vous? » Je dis, « Regardez, allez sur mon blog, là, il y a au-delà de 1500 billets, là. Pense qu'à un moment donné, là, je vais en avoir en masse pour vous faire une idée sur ce que je pense. Puis allez sur ma page profil, puis là, j'ai des listes de gens qui ne sont pas n'importe qui, là, puis qui disent comment que je suis hot. Fait que là, ça vous suffit pas, mais là, c'est plate. Là, tout ça pour dire que, entre autres, je peux me permettre de faire ça, c'est parce que j'ai déjà aidé les autres et que je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Mais évidemment, ben, la passion, il y a beaucoup de travail. Puis la passion, ben, c'est pas un me too. T'sais. Ça, c'est comme il y a beaucoup de gens. Là, « Ah, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Va voir un tel, il est bon. » Si, tu sais, il n'y a pas de valeur ajoutée. Là, tu vas aller le voir un tel, puis tu ne reviendras plus. Tu vas dire, ah, c'est un tel qu'il faut voir. Okay. Fait que, tu sais, il faut toujours mettre de soi dans ce qu'on fait. Évidemment, je vous invite à acquérir, si vous pouvez le trouver, parce que ça a l'air qu'il est dur à trouver. Il est tellement bon. Le livre « Pourquoi bloguer » que j'ai collaboré avec certains blogueurs québécois, on était 10. Moi, j'ai écrit le chapitre « Bloguer pour vendre » qui est aussi disponible gratuitement en ligne. Et je vous invite à me poser toutes les questions que ça vous tente et qu'on jase un peu d'authenticité sur le web. Merci. Alors là, j'ai commencé à faire l'entrevue tout en pensant, je suis tombée par terre, évidemment, j'étais pas au courant. Alors, j'ai fait l'entrevue. Mais là, tu tenais-tu encore le téléphone quand tu étais à terre? Oui, quand je suis tombée par terre, oui. J'ai fait l'entrevue, tu comprends que j'étais un peu distraite là, en faisant l'entrevue. Alors, sur le coup, il y a eu un effet de choc, parce que je ne soupçonnais absolument pas, là, tu sais. Mais après, j'ai réfléchi et je dirais que parce que justement, je voulais dire, on en parlait tantôt, tu avais monté un social capital. Tu avais été tellement généreuse en partageant, je te respectais beaucoup, que pour moi, c'était même pas une question de dire oh mon Dieu, tu sais, c'était tout de suite de l'appui, de la compassion de l'appui. Et de venir et de t'envoyer un message de soutien à ce niveau-là. Ben. Mais je pense que justement, le fait que tu aies toi-même géré le message, géré le message que tu nous l'as annoncé, c'est pour ça que ça passait si bien. Et on voyait tous les commentaires d'appui, justement, je crois, comme la dame en France, que tu nous as rendu service. Parce que pour moi, je trouve ça très émouvant de voir à quel point la communauté. Se rallier autour de toi et à quel point les gens étaient positifs à ton égard. Alors, merci pour cette belle journée. Merci. Mais moi, je vais vous dire, c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de retombées, dont des retombées que je ne m'attendais pas. Évidemment, j'ai eu des centaines de courriels, dont beaucoup de courriels de transsexuels, qui enfin, il y avait quelqu'un qui expliquait c'était quoi qui se passait, puis, bon, etc. Évidemment, j'ai fait la première page de la presse, j'ai fait Arcan, puis j'ai même refusé bien, encore la semaine passée, je refusais Denis Lévesque, j'ai refusé mon grain, parce que je ne veux pas devenir la bête de cirque des médias, là, je ne veux pas devenir la transe de service non plus. Mais à un moment donné, je m'en vais prendre un verre avec des chums, puis moi, un de mes gros marchés, c'est le marché du tourisme en ligne. Puis il y a un gars que je connais, qu'on dit souvent des cocktails. Je dis, ouais, il dit Michel, je voulais te compter ça. Il dit, c'est moi qui te paye un verre. Puis il me paye un verre. Je dis, pourquoi? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, toi, il dit, quand tu as fait ton communion cet hiver, là, il dit, moi, il me dit une affaire. Il dit, moi, là, j'avais un client que j'avais une entente annuelle avec. Puis j'étais tanné. Puis ce client-là, c'était à peu près 75% de mon chiffre d'affaires. Là, il dit, ça fait 3 ans que je le traîne. Puis je suis pogné avec ses cochonneries. Puis j'étais tanné. Puis j'avais pas le guts. Puis tu sais, puis quand j'ai vu que toi, en affaires, t'avais été capable de faire ton communion puis de continuer d'être en affaires, ça m'a donné le guts, moi, à flusher mon client, il me fait chier, puis à partir vraiment, là, ma compagnie, au lieu d'être sous le couvert de ce client-là, que je ne pouvais jamais dire qu'est-ce que je faisais. Puis il dit, là, il dit, ma compagnie va super bien, j'ai plus de jobs que je peux en faire, puis c'est à toi que je dois ça. J'en revenais pas. Je me disais, bon, tu sais, il me semble que c'était quoi de capillotracté, tu sais, tiré par les cheveux, tu sais. Mais bon, ça, c'est un exemple, il y en a bien des exemples. Puis, tu sais, l'authenticité, là, je veux dire, ça a des retombées, là, des fois, là, que tu entends, là, bien longtemps après, puis que c'est même pas des retombées directes, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, je pense que d'être vrai, ça t'aide toi, tu te sens mieux, puis je pense que ça peut aider les autres de façon, là, vraiment diverse. Puis, c'est ça, je découvre encore des retombées, des surprises que je m'attendais pas, puis que, tu sais, je peux même pas imaginer, là. Bon. D'autres questions, commentaires, points de vue? Oui? Moi, je trouve ça intéressant, cette approche de transparence, de contrôler le message en abordant la question toi-même de prévu. Je regarde les politiciens, ça fait politicien, donc l'étude, c'est de contrôler l'information. Le moins t'en dis, le mieux c'est. Quand il l'aborde, quelqu'un l'abordera, on en parlera. En attendant, on n'en parle pas autant que pour moi, il va aborder le sujet. C'est un très bon point. Effectivement, ça commence à changer, notamment à cause d'un monsieur qui s'appelle Howard Dean, qui était le premier à être, disons, plus transparent que la moyenne des politiciens. Puis lui, s'il n'a pas gorgé l'investiture à la présidentielle américaine, c'est pas parce que c'était pas un génie du marketing Internet, du marketing politique en ligne, c'est plutôt parce que CNN, à un moment donné, avait fait un discours où il s'est enflammé, puis il était là, « L'Arkansas, le Kansas, l'Alabama, l'Oregon! » Ils ont passé ça en boucle à peu près 75 fois dans la journée. Fait qu'ils l'ont fait passer pour un méchant illuminé. Puis la semaine d'après, bien, il est obligé de le retirer. Mais ce qu'il a fait, on en voit encore les traces aujourd'hui. Si vous allez sur le site de Barack Obama, d'ailleurs, j'avais été beaucoup sollicité par les médias quand j'avais parlé de ça, de la différence de la présence web des partis politiques canadiens versus les Américains et même les Français. Quand tu vas sur le site de Barack Obama, tout de suite, qu'est-ce que tu as? C'est un biais d'opinion. Et en dessous, tu vas voir 300-400 commentaires de gens qui discutent. Et il y a plein d'outils pour permettre aux gens de sortir du web et de continuer la discussion, genre meet-up, là. Continuer la discussion dans un salon, dans une cuisine, faire des assemblées. Alors, la discussion au niveau du marketing politique Internet, permet aux gens de s'accaparer le message politique, de le modifier, de le retransmettre et même de revenir au parti avec des nouvelles idées. Alors, il y a des gros avantages, mais c'est sûr qu'au Canada, qu'est-ce que tu veux, les politiciens travaillent avec des grosses firmes de communication marketing et des gens de relations publiques qui sont dépassés, qui coûtent une fortune et qui ne valent rien. Et ils sont des control freaks. Alors, c'est sûr que c'est très, très, très difficile pour les politiciens ici d'oser avoir le guts d'être transparent. Et surtout d'être transparent en ligne. Parce que d'un coup que le monde chiale, c'est le même problème avec les compagnies. Les compagnies qui refusent de bloguer, qui refusent d'aller en ligne, c'est « Ouais, mais si le monde chiale sur nos produits, écoute, là, son produit est pourri, il faudrait bien que tu saches, là, dire, regarde, là, réveille-toi, là, c'est le temps, là, améliore-les. Là. Ouais. Est-ce que je réponds à votre question ou vous avez une question complémentaire? Pas de jamais une complémentaire, ouais. Parce que c'est dans les certains politiciens qui sont comme ça, mais ça ne s'arrête pas juste aux politiciens, ça s'arrête aux fonctionnaires. Moi, je me rappelle de la fonction publique d'avoir déjà assisté à une séance de formation sur la loi d'accès à l'information. Puis la majorité des gens qui étaient là, leur intérêt, c'était de savoir comment utiliser les différents paragraphes pour ne pas être, de pouvoir légalement ne pas donner de l'information. Non, c'est sûr que, tu sais, moi, je parle de transparence, je pense que c'est bon, mais on s'entend qu'avant que la société au complet soit rendue là, on ne parle pas de demain matin, puis je veux dire, bon, si on parle de transparence, j'en parle, là, mais mon blog vient d'être censuré au gouvernement fédéral, les employés fédéraux ne peuvent pas lire mon blog, parce que j'ai fait un billet disant que le site du Parti conservateur, le nouveau site du Parti conservateur était poche, ça a été repris par Réseau-Canada, par la presse, par Branchez-vous, puis via Branchez-vous, j'ai appris dans les commentaires que ce billet-là était censuré. Tu avais accès à tout mon site, sauf à ce billet-là. Puis trois jours plus tard, c'est mon site au complet qui est censuré. Maintenant, je doute fortement que ce soit le bureau du premier ministre qui ait fait des pressions pour qu'on censure mon blog. Je pense plutôt que c'est un gestionnaire réseau zélé, zouf, de surcroît, qui a décidé, lui, qu'il me censurait. Mais ça, je veux dire, tu sais, c'est les aléas de la vie. Puis, tu sais, je veux dire, moi, ce que je parle, c'est encore un peu au niveau utopique. Moi, je le mets en pratique. Il y a des entreprises qui le mettent en pratique. Mais avant que ça soit une pratique courante, on s'entend que c'est peut-être pas pour demain matin. Alors, ça, c'est la tristesse de la vie. Oui, monsieur? Tu as parlé des avantages. Aussi des avantages. Oui, je te reconnais, tu vois. Il me semble que c'est ça, t'es mieux en personne qu'en vidéo. Justement, le monsieur qui est ici m'avait fait une vidéo YouTube que lui était flabbergasté de mes statuts dans Facebook. Il disait que c'était un des contenus web réalité qui l'avait le plus impressionné. Et ce que je t'avais répondu, c'est qu'effectivement, il y a des niveaux de transparence qui étaient différents entre Facebook, Twitter, mon blog transsexuel et mon blog professionnel. Évidemment, quand je suis dans Facebook, j'ai un profil qui est barré. Alors, c'est des gens qui sont soi-disant des connaissances qui ont accès à mes statuts Facebook. Donc, c'est pas la planète entière. Donc, sur mon blog professionnel, c'est ma planète entière. Oui, j'aurais bien aimé mon questionnement, mais c'est quoi les questions que tu me poses présentement? C'est quoi les avantages? Non, en fait, la question, c'est parce que moi, je me questionne moi-même. Parce que, tout ce que tu dis, je suis d'accord. Puis, pour être plus. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, hein, c'est vrai? Non, non, je ne suis pas obligé, mais je trouve que pour être, je dirais, un apôtre de l'Internet en soi, la philosophie, c'est que je suis plus du côté de la création, donc les états d'esprit. C'est Pierre Côté, hein, c'est ça? Oui. Les états d'esprit, à un moment donné, c'est when is too much. C'est quand c'est trop passé, c'est de la transparence. C'est le branding de ton humeur, des fois. Puis dans le côté commercial, le commerce, ça reste du commerce, c'est pas de l'art. C'est sûr qu'il y a une question de mesure. On s'entend que j'ai pas mis de photos de moi tout nu en train de documenter mes transformations. Là. Bon, il y a des limites de transparence. Tu sais, la transparence, ça veut pas dire de tout dire. La transparence, ça veut dire de dire ce qui est vrai. Que ça te tente de dire, puis qu'il y a certains objectifs pour toi de dire. Puis, pour les entreprises, c'est la même chose. Tu sais, les entreprises, là, ils n'ont pas à tout dire, mais ils ont à dire. Tu sais, si on pose une question, puis on dit est-ce que ta batterie a explosé? Bien, de reconnaître que oui, c'est vrai qu'elle a explosé, regarde, c'est de le reconnaître. Tu sais, on s'entend que, regarde, c'est. Tu sais, mettons, on va prendre Maple Leaf Food, OK? Maple Leaf Food, là, au niveau traditionnel, ils ont fait une gestion de crise qui était très, très, très bonne, et même qui dépassait la gestion de crise de relations publiques traditionnelles. Ils ont admis qu'il y avait un problème. Ça, des jours, les avocats n'aiment pas bien ça, parce que là, tu viens d'ouvrir la porte à une poursuite. Hein. Ils ont dit, bon, bien là, on a tout retiré ses produits, on a retiré plus que ce qu'on avait. T'sais. Bon, ils ont fait de la communication traditionnelle, mais ils ne sont pas allés sur le web. Puis là, si tu cherches l'hystéria, tu tombes sur une annonce à AdWords d'un groupe d'avocats véreux qui font une poursuite collective contre Maple Leaf Food. Ça aurait pu être le message de Maple Leaf Food qui était là. Voici, c'est quoi la mystériose, voici comment nous, on peut... on travaille pour régler le problème, etc., etc. Tu sais, quand il y a des crises, si toi, tu ne dis pas ton message, tu laisses la place aux autres pour dire la leur. Puis maintenant, quand tu dis ton message, bien, aussi bien être vrai, mais encore là, jusqu'où tu vas aller, bien ça, écoute, c'est du cas par cas, puis c'est quoi les barèmes extrêmement précis de la transparence? C'est encore assez expérimental, on s'entend. Là. C'est la vérité, on n'a pas l'habitude de la vérité. C'est-à-dire, en termes d'affaires, là, on a l'habitude de fourrer le bon. Fait que, tu sais, ceux qui essayent d'être vrais, là, c'est à contre-courant. Fait que là, c'est quoi l'expérimentation, puis le contre-courant, où il va s'arrêter, jusqu'où faut-tu te dévoiles, c'est quoi les dangers du dévoilement? Ben, le danger, au début de la conférence, je ne sais pas si c'était là, j'ai donné plusieurs exemples de gens qui sont plantés. T'sais? Bon, ils sont plantés, soit parce que justement, ils n'étaient pas transparents, ils sont plantés parce qu'il y avait un défaut que les autres nous ont mis en face. Maintenant, où ça va s'arrêter, où toi, il faut que tu t'arrêtes, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est des questions qui restent malheureusement encore difficiles à répondre, parce que c'est un sujet qui est encore jeune, qui pourrait être un sujet de livre intéressant, je pense d'ailleurs. C'est l'image que toi, tu veux avoir, comme ton ami, c'est pas vrai, puis que tu essaies de projeter cette image-là, ça marche pas. Si tu as une image, tu sais, même toi, comme personne, tu as assez de plaisir, c'est ça que tu envoies, ben, ça va correspondre à ce que moi, je vois. Oui. Ils ne chercheront pas trop à changer cette image-là dans ton mot. C'est ça. Tu sais, moi, je me pose encore la question, a-t-on marché sur la lune? Était-ce vrai? Était-ce un montage vidéo? Non, on se blague, là. Bref, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Moi, je vous ai parlé, tu sais, le thème de ma conférence, c'est surtout les avantages d'être vrai. Le contraire, ce serait les avantages d'être faux. J'en vois pas bien. Le désavantage d'être vrai, si t'es trop vrai, c'est un désavantage. C'est sûr que la vérité, d'après moi, la transparence a une limite. Où tu mets la limite, bien ça, ça va être bien, bien... Des fois, être trop vrai, malheureusement, dans le contexte de la société dans laquelle on vit, ça peut y avoir des avantages. C'est ça. Puis ça, bien, c'est encore... ça reste dans le nébuleux. Comme vous voyez, Madame Bénard, tout à l'heure, je vais remettre son partage. J'espère que vous avez aimé votre semaine. On remercie bien sûr les commanditaires, on remercie les bénévoles, on remercie nos conférenciers qui ont été, je pense, de qualité exceptionnelle. Et on vous remercie parce que, oui, c'est beau l'organisation, mais si vous n'étiez pas là, ça serait pas mal à rien. Alors, on remercie beaucoup tout le monde qui s'est déplacé aujourd'hui, ceux qui nous ont suivis sur le web par live stream. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de regarder autour de vous parce qu'on doit absolument laisser les lieux en bon état. Si vous pouvez ramasser un petit morceau de papier par terre, ça nous aiderait énormément. Merci beaucoup et j'espère vous voir la semaine prochaine.